Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr. Vous écoutez le mag numéro 36 et je ne suis pas Mathieu. Comme je disais en intro, je ne suis pas Mathieu, puisque notre cher patron est malade. Même les plus grands sont malades. Voilà. Donc, je vais prendre sa place pour la semaine et faire souffrir Clément au passage. Ouais, youpi! Bien sûr. Donc, comme je viens de l'avouer, Clément est parmi nous. Bonjour! Quand on est poli, on dit bonjour. Bonjour. Et. Bonsoir, ou salut, ou hi. Et pour équilibrer ce taré, il y aura Irish aussi. Je t'emmerde. Je suis la Ça commence caution, bien. sanitaire. Bah, T'es salut à la tous. balance entre les deux. Ouais, c'est ça. Salut à tous et bah remets-toi vite, grand chef. Hein. Grand chef, ça fait un Comment vous peu faites de genre la lèche? ah, Indien, grand chef sioux, remets-toi. Non, mais en vrai, c'est Arnaud qui l'a rendu malade, comme ça il Ouais, fait un petit coup c'est un d'état et push. il prend C'est la ça, et direction toi, du Arnaud. Mexique. Et là, dès la semaine prochaine, il y en a un autre qui part. Attention à tes fesses, Clément. Non, mais moi je suis très bien, moi je suis très en forme. Je peux dire plein de conneries, donc c'est Ah, bon signe. dommage, dommage. Ça ne Non, change pas mais je de. vous manquerai trop en plus. On verra, on verra. Donc, comme toujours, pareil, c'est la même chose depuis une quarantaine de numéros, hein, QTV, Ciné, Comics, VOVF. On va commencer par toi, Erich, qui va nous parler de la CW. Oui, donc la CW est la nouvelle série issue de l'univers de Arrow et Agent of, pardon, Arrow et The Flash combinés, à savoir l'Agent of Tomorrow qui va accueillir un nouvel arrivant qui serait Zamandrous, pardon, pour ceux qui suivent la série, qui ont pu regarder, à savoir que l'un des personnages principaux, le nouveau personnage, c'est Rip Hunter, qui est un maître du temps. Et qui faisait partie de l'Académie des Time Masters. Et donc, Martin Donovan qui va interpréter le personnage de Zamandrous, putain, tu sais, qui va interpréter le personnage de Zamandrous, va donc jouer le mentor de Rip Hunter, qui va revenir pour essayer de, comment dire, peut-être le remettre sur le droit chemin ou l'empêcher de se lancer dans la quête qu'il a entrepris. Ouais, peut-être découvrir un peu plus comment fonctionnent comment les Time Masters, j'allais dire les Time Lords, avant, Oui. référence à Doctor Who. On n'est pas dans la Ouais. liste. Bah, On disons que c'est va dur rien quand même dire. de faire Comment? Jeudi prochain, le bilan, c'est le pilote de Legend of Tomorrow, donc on va rien dire, hein. Mais on en parlera Ouais. jeudi. Et on va passer à une autre série de la CW, c'est The Flash. Toujours toi, Yves. Oui, The Flash. Donc également là encore, on accueille un nouveau personnage féminin cette fois-ci. Il s'agit de Allison Page qui va jouer le rôle de la Speedster Trajectory. C'est un personnage issu de la bande dessinée. Elle devrait arriver dans un des épisodes de Flash et causer quelques dommages dans la ville et c'est Flash qui sera accusé. À savoir que dans la bande dessinée Trajectory, elle a obtenu ses pouvoirs grâce aux expériences de Lex Luthor. Bon, ce qui sera pas le cas là. Et donc, elle a un pers elle a, elle intègre un, elle incarne un rôle plutôt de bad guy. Donc, à voir quand elle interviendra dans la série. Ce qui est étonnant, c'est que c'est de principe, quand ça a été annoncé, on pensait tous que la première speedster féminine, ce serait la fille de Wells. Mais apparemment, elle a toujours pas ses pouvoirs. La fille de Wells. Ah oui, Parce d'accord, oui. qu'elle amène à avoir des pouvoirs. Dans les comics, oui, elle a. C'est une speedster. C'est facile à dire ça. Une speedster. Ah d'accord, je savais pas. Ah moi non plus, je Et ne donc savais pas. quand ils ont annoncé le nom, tout le monde pensait qu'elle allait le devenir, sauf que apparemment non, puisque elle est un peu bloquée avec Zoom. Bref. Et après, il y a à savoir dans quel épisode arrivera l'épisode 16, pardon, elle arrivera dans l'épisode 16, Trajectory. Et donc entre les deux, on a encore quoi? 3, 4 épisodes. On en a l'épisode 11. Ouais, On a ouais. 5, 4, 5. 4-5 épisodes. Bon, ça laisse peut-être la place pour avoir une première speedster féminine qui ne serait pas trajectory. À voir donc sur la CW d'ici 2 mois, ouais. Ou 3 mois. Au rythme d'un épisode toutes les semaines, un mois et demi. Ouais, mais s'ils font des pauses, ah, oui, 2 mois. Vrai. Normalement, ils en font pas. Ils en font. En général, il y a quelques pauses. C'est tellement le bazar en hiver avec les séries que je sais pas. Bah, on verra. Ouais. Et donc, Clément, tu viens de parler d'une belle série. Ouais, c'est une série qui fait plaisir à tout le monde. Ouais, d'une série que tu surkiffes totalement. Ah, c'est clair. Ah ouais, donc bien sûr, il s'agit de Gotham. Donc, il y a, pour préparer le retour de la série, un motion comics a été annoncé. Un motion comic, un motion comics, en fait, c'est juste des pages de comics qu'on anime. Ah oui, des pages de comics qui seront animées, et donc ça sera, ça va présenter les motivations de Selina Kyle et Oswald Cobblepot. Et on est dit... Cobblepot. On est dit... Ah, mais merde, on va découvrir aussi Mr. Freeze, donc qui sera le grand vilain de cette deuxième partie de saison. Et également, un personnage qu'on attendait tous avec impatience de le revoir dans cette magnifique série. Et je sais qu'Arnaud va adorer parce que c'est une actrice vraiment dans son cœur, ainsi que le personnage. Eh bien, Fish Mooney est drôle. Ah, poisson d'argent. Voilà. Bon, ça. Je crois qu'il n'y a rien. Elle a voulu aller voir ailleurs et personne n'a voulu d'elle. C'est ça. Je crois que rien de dire que Fish Mooney est de retour, ça. Bah, de toute façon, quand elle gueule pas contre les Oscars, elle joue mal dans. C'est ça. Dans Gotham. Puisqu'elle ne fait rien d'autre. Oui, c'est ça. C'est soit elle gueule contre les Oscars, soit elle est dans. Soit t'es quoi ? Ouais, mais il pourrait faire un film aussi avec elle, comme il a fait avec son fils, non ? Ça peut être sympa. Oui, non, on va oublier ce film. on va oublier, ouais. C'est mieux qu'on oublie la famille Smith pour le moment, hein. Parce que le fils et la fille. Je suis pas sûr que c'est un risque, hein. On sait tous ce qui nous attend en août. Oui, encore lui, ça passe, mais bon. Après, on va voir le fils, la fille. On s'arrête au mari et à la femme, ça suffit déjà. Ouais. Donc, et ensuite, toujours Clément. Plutôt une bonne nouvelle, moi, pour le coup, je suis plutôt content. Ouais. C'est plutôt content. Après, c'est plus en la lignée d'une autre série, c'est quand même cool. Donc, une nouvelle série animée Justice League a été annoncée. Donc, ça va être dans la lignée de Teen Titans Go. Et donc, ça ne sera pas si similaire à la série télé qu'on a connue, Made in Bruce Team. Ouais, Bruce Team ne sera pas là, mais bon, ça peut être déjà pas mal. C'est ça, ça reste une série. Après, j'ai vu les premiers dessins et je suis pas très fan des designs des personnages. Bah, surtout s'ils se basent sur les designs des Titans Go ou même des dernières séries Batman. Plutôt en fond teint, quoi. Donc bon. Bah oui, c'est la crainte que j'ai que ce soit un truc très enfantin, comme des fois ils ont l'habitude de faire. Parfois, quand ils se disent dessin animé, c'est rare qu'ils te font quelque chose d'assez adulte avec. De nos jours, oui. À voir, donc, d'ici les prochains mois. Et donc, avant de conclure sur l'univers DC, on a parlé de Legends of Tomorrow, on a parlé de The Flash. Il reste la petite dernière qu'on a un peu envie d'abandonner, mais elle existe toujours. Eh oui, il s'agit de Arrow, dans le mille. Et c'est Stephen Amell qui joue le personnage de Oliver Queen, qui a annoncé qu'il aimerait voir revenir Deathstroke. D'après ses mots, je le cite, The Arrow, Deathstroke manque à The Arrow. Donc, quand on se souvient de la saison avec Deathstroke, à savoir la saison 2, qui est à ces jours la meilleure, la meilleure de la série. Je vais te couper, c'est assez drôle parce que Stéphane a mal dit ça, mais je crois qu'il y a plusieurs mois. En gros, l'acteur qui jouait Deathstroke avait dit en gros qu'il ne voulait pas retourner dans la série parce qu'il était prêt. Bah, si c'est pour revenir comme dans le. Mais même l'acteur qui jouait Deathstroke n'était pas du tout content, justement. de la tournure qu'a pris son personnage, bah, avec l'épisode complètement inutile Exactement. de la saison 3. Donc Oui. ça, même si Stéphane Amell veut le retour, je pense pas que l'acteur va le vouloir dans la mesure où voilà, on a vu ce que ça donne avec le personnage. Bah, c'est ce que Pas j'allais ça. dire, c'est que si c'est comme son retour dans l'épisode de la saison 3 où Malcolm les envoie sur l'île pour s'endurcir, ah non, c'est pas la peine. C'était totalement Autant dire ridicule. abandonner, c'était totalement ridicule et inutile. Et puis, ramener un bon personnage, enfin, un personnage qu'on a eu dans une bonne saison, quand on Dans voit une ce qui est mauvaise devenu saison. Arrow, Ah oui, c'est vaut ça. mieux peut-être pas rouvrir Ouais, c'est la ça. plaie avec quelque chose de Et bien. détruire des légendes. Voilà, restons-en là. Voilà. Et donc, bah, restons-en là exactement avec l'univers DC, puisqu'on va passer chez Marvel maintenant. Oui. Et c'est encore toi, Erich, qui va nous parler des quelques projets de Marvel. Voilà. Donc toujours l'association Marvel et Netflix, dont on sait déjà que normalement il y a 5 projets de série qui sont qui, bon, j'allais dire à l'étude, mais il y a 5 projets de série qui avaient été signés entre les deux. On a déjà eu 3, enfin 2,5, puisqu'on a eu Jessica Jones, on a eu Daredevil, et le troisième arrivé, il s'agit de Luke Luke Cage. Cage. Donc la série, pour l'instant, on a une date de sortie donc qui est annoncée pour l'instant, elle n'est pas officielle, elle est annoncée pour le mois de novembre. Donc ça a été de bon, ça n'a pas été dévoilé encore, mais on a eu quelques petits teasers, notamment via le site Twitter de le compte Twitter de Jessica Jones, où on peut voir un dossier et avec le nom de Luke Cage sur le dossier. Et juste en dessous, il écrit alias investigation, comment puis-je vous aider? Donc pour l'instant, comme je disais, la date officieuse, c'est pour novembre. Et également l'interprète de Luke Cage, Mike Colter, dans une interview, a laissé entendre que l'interprète donc de la quatrième série de la collaboration Marvel-Netflix, qui est Iron Fist, l'interprète de Iron Fist aurait déjà été trouvé. Donc pour l'instant, on ne sait pas qui. Ce qui pourrait laisser supposer que Iron Fist fera une apparition dans Luke Cage en Exactement, fin de vu saison, que par c'est le exemple. personnage principal Ça qui. fera un bon point à la série. Oui, puis comme Luke Cage a été introduit dans Jessica Jones, là on pourrait Donc, introduire Iron voilà. Fist. Surtout qu'Iron Fist est un très bon ami de Luke Cage et tous les deux ont même créé une société tous les deux. Fist de production. Heroes. Oh non! Oh mon dieu, ok. Heroes quoi? Heroes Shooter? Heroes for Hire, héros à louer. Donc en fait, c'était Ah, des d'accord. genre des gardes du corps super-héroïques. Tu pouvais les engager pour faire des missions. Et donc, on Ah, pourrait c'est pas voir mal. Iron Fist apparaître, enfin, Daniel Rand apparaître dans Luke Cage et devenir Iron Fist dans sa série. Ce serait intéressant de voir qui est l'acteur qui a été casté pour ce rôle. Je pense, vu la communication de Marvel, on va la prendre d'ici quelques semaines, je pense. Ouais, je sais pas, est-ce que vous attendez à quelqu'un de connu, quelqu'un d'habitué ou quelqu'un de totalement nouveau Oh, je sais qui n'est pas pas. habitué à des gros projets? Je sais pas. Quelqu'un de pas très connu, ce serait bien. Oui, entre autres. À voir. Bon, avec Kristen Ritter, on peut dire que Kristen Ritter, c'est quand même quelqu'un de moyennement connu, plutôt bien connu, on va dire. Oui, elle était moyennement connue, oui. Après, Mike Colter, personnellement, je le connais nulle part. Ah, il est beaucoup moins connu, mais il a beaucoup apparu. Il est beaucoup apparu dans The Good Wife. Ah oui, mais ça, je regarde pas. Ah, il était beaucoup moins connu que Kristen Ritter, Oui. mais Marvel ne collabore pas qu'avec Netflix, parce qu'ils ont leur chaîne aussi, et DC, Oui. qui a des projets Marvel en route. Eh oui, donc. J'attendais que ça vienne. Ah oui, l'intro là, j'ai pas su saisir la perche. Donc oui, donc là on parle de l'autre série Marvel qui, elle, est sur ABC, à savoir la majestueuse, la trépidante, la merveilleuse, j'ai nommé Marvel Agents of Shield. Comme beaucoup savent, il y a un projet de spin-off qui est en cours en ce moment, qui sera centré sur le personnage de Bobby Morse, Mockingbird, et son compagnon Lance Hunter. Et un membre du casting vient d'être dévoilé. Il s'agit de Delroy Lindo, qui devrait jouer le rôle de Dominic Fortune dans cette nouvelle série. Bon, je dois avouer que je ne connais pas très bien ce personnage. Je ne sais pas trop quelle influence il a, ni quelle relation il entretient avec, avec Bobby Morse ou Hunter. Je dois avouer que moi non plus, l'univers Marvel, c'est pas. Malheureusement, d'habitude, si Mathieu peut nous répondre, Mais il connaît bien les deux univers, mais là. j'avoue quand même que je suis très intrigué. Moi qui regarde la série, j'adore le personnage de Bobby, l'humour de Hunter. J'adore son humour, mais je me demande est-ce que c'est vraiment possible pour eux d'avoir une vie hors de la série Déjà, on peut se Avengers. demander si les deux ont l'étoffe d'avoir le lead dans une série. C'est Ouais, bah difficile oui, de tenir une série c'est sur ses épaules. Bobby pourrait bah, peut-être, c'est ça. mais à voir. Ah, j'ai du mal quand même. Toute la série sur elle, j'ai du mal. J'aime bien que c'est un des personnages. Quand je regarde Agents of Shield, j'attends les scènes avec elle. Mais si toutes les scènes sont centrées sur elle, j'aurai un peu du. Je suis pas sûr. Peut-être que la petite magie qu'elle opère sur moi disparaîtra. Mais j'ai quand même hâte de voir ça. Si c'est commandé. Et puis dans les comics, il n'y a pas que Marvel et DC, heureusement d'ailleurs. Il y a aussi des séries indépendantes comme Archie. Et depuis quelques mois, même plutôt quelques mois, la CW développait une adaptation qui s'appelait Riverdale, produite par Greg Berlanti, à qui on doit déjà Flash, Arrow et Ouais, Legends mais à un of moment, il va Tomorrow. plus qu'à voir lui dans les séries télé. Il va faire toutes les séries télé, hein, j'ai l'impression. Il en fait beaucoup, puisque à côté de ça, il fait Blindspot sur NBC et il produit aussi Supergirl. Et je crois qu'il doit avoir d'autres projets encore. Ah, c'est pas le seul à produire beaucoup de projets, mais quand tu vois la quantité de séries, c'est pas énorme. Hein. Mais bon, Greg Berlanti sur la CW, c'est une recette qui fonctionne, comme Shonda Rhimes sur ABC. Et donc, la CW a commandé le pilote de Riverdale de Greg Berlanti. Donc, à voir dans les prochains mois le tournage et si la CW est séduite par le projet et si Ouais. un jour on pourra voir Archie à la télévision, qui est quand même un monument aux États-Unis. À voir. Est-ce que vous, ça vous intéresserait? J'avoue que je ne connais pas Artie. J'ai Voilà, au début le Archie. confondu avec Arthur. Ah oui. Non, bah Archie, en fait, c'est juste un ado avec une bande de potes au lycée et c'est très très très populaire aux États-Unis, alors qu'en France, c'est très peu connu. Mais voilà. D'accord. Ça peut être un succès puisque c'est rentré dans la pop culture américaine là-bas, c'est affolant. Bref, ceci conclut les news TV qui sont assez importantes. Et on n'en a pas fini puisqu'il y aura aussi beaucoup de news comics en VF, hein, surtout Panini qui s'est lâché pour juste avant Angoulême, ils se sont lâchés. Et on va commencer par toi, Clément, qui va nous faire Ouais. toutes les news Panini. Bon courage à toi. Youpi, je suis très très en joie. Donc tout d'abord, puisqu'on tu parlais du festival d'Angoulême, donc Miss Marvel tome 1 a gagné le Fauve avec la meilleure série. Donc je ne sais pas si c'est une surprise, je ne sais pas ce qu'il y avait en face, mais c'est. Bah, en face, il y avait Saga, par exemple. Ah ouais, quand même. Outcast. Mais on en a discuté avec Mathieu et il m'a, pour lui, selon lui, c'est à cause du scandale qu'il y a eu il y a quelques semaines. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ah Il y a non, eu j'ai pas entendu. un scandale comme quoi les artistes enfin les artistes invités par le festival dans la sélection officielle manquaient de diversité. Ouais, donc Il n'y forcément. avait aucune femme, il n'y avait que des hommes. Hein. Ouais, Donc d'accord. ils ont été un peu Ouais, traités c'est de merdeur dans ce sexistes. moment. Et donc on pourrait penser que Miss Marvel, qui a pour héroïne une jeune adolescente musulmane, donc ça fait un Ouais, peu, donc entre ah guillemets, oui. quota femme et diversité comment dire, ethnique, on va dire. Donc ça pourrait entrer, Ouais, je ça a vois. peut-être pu rentrer en compte Je vois. dans leur décision. Ouais. Mais en tout cas, ça reste quand même une Bonne surprise. bonne surprise parce que Miss Marvel, depuis le Marvel Now, c'est une bonne série quand même. J'ai jamais lu, mais j'en ai entendu que du bien, donc. Bah, je te la conseille, vraiment, Ouais, c'est super donc c'est. sympa. Pour une inhumaine, ils développent les inhumains, donc c'est vraiment sympa d'avoir une D'accord. inhumaine. Adolescente pas chiante du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on lit qu'on a une adolescente en super-héroïne. C'est vraiment intéressant. Et ils ont annoncé d'autres choses au niveau fusion. Oui. En avril, on a le tome 2 de Cross, je sais pas comment on dit, plus 100, enfin, Cross plus 100, par Cispiria, je sais pas comment ça se dit. Supérieur, je dirais, je sais pas. Donc c'est entre parenthèses Cross si tu voyais ça. Donc j'imagine que c'est le titre français, non? Peut-être. Peut-être, j'avoue que je ne sais pas. On aura ensuite en mai la réédition en select du troisième tome de The Boys, donc par Garth Ennis et Darick Robertson. En juin, on aura encore un comic de Garth Ennis, puisqu'il raconte les origines de l'infection de Cross dans le nouveau tome des Terres Maudites. Ensuite, dans la comic, dans la ah j'ai du mal ce soir, dans la collection 100% Marvel, on a le programme du premier semestre avec trois nouveaux titres se déroulant aux origines des personnages. Donc on aura tout d'abord Captain America White de Jeff Love et Tim Sale que l'on ne présente plus. Donc en mai. En mai encore, on aura Kingpin de Bruce Jones et Sean Phillips. Et on aura en juin Punisher Year One de Dan Abnett et Andy Laning et Dave Eaglesine Eagleshine. Bien Eagleshine, je pense que c'est comme ça. Également, on a l'arrivée ou la confirmation, je ne sais pas, non, des nouveaux titres des Gardiens de la Galaxie dans le Marvel Universe. En avril, on aura l'intégralité des 6 épisodes de la mini-série Cross, qui est plutôt sympa. En mai, on aura dans le Marvel Universe hors série les épisodes 4, 6 et 8, 10 de Guardians Team-Up avec Deadpool, donc côte à côte, les Pet Avengers, le Silver Surfer, Miles, Hulk, Diablo et Spidey. Et donc, au côté artiste, on retrouvera Andy Laning, Ben Gall, Javier Pulido ou encore Bill Willingham. Donc là, non, si je l'ai dit, c'est en avril. J'ai un peu du mal parce que c'est pas super clair. C'est en mai. Non, ah bon? Ah oui, mince, en mai, pardon. Ouais, c'est pas super clair. Et enfin, cette fois du côté de Star Wars, dans les 100% Star Wars, on aura donc le Star Wars de Jason Aaron avec Simon Bianchi Bianchi. et Stuart Immonen, Bianchi, ouais, et le Dark Vador de Kyron, je sais pas comment on dit, Kieron. Kyron, Gillen, toujours accompagné de Salvador Larroca. Non, Larocca. Allô? Ah bon? Oui? Bah t'as dit Laro. Oui. Non, j'ai dit Larroca? J'ai pas Ah. entendu la Non, fin. moi j'ai compris Il y a dû Naro avoir aussi. une coupure. Ah, bah, il y a dû avoir une coupure. Non, Y a j'avais un dit bug chez Salvador moi. Larroca. Ok. Larroca. Le Ouais, Green exactement. Naro quoi. Un gros gros programme pour les prochains mois jusqu'à juin. Ouais, jusqu'à juin. Un énorme programme du côté aussi bien Marvel, Star Wars que Fusion. De quoi faire pleurer notre porte-monnaie. Et c'est pas fini puisque il y a une grosse news, mais là du côté de chez Glénat. Ouais, pour ceux qui, certainement beaucoup de auditeurs l'attendaient, Glénat Comics a annoncé l'arrivée en France des comics X-Files. Donc on se doute que c'est bien sûr suite à la nouvelle saison qui est diffusée depuis plusieurs semaines aux États-Unis. Donc ça sera aussi bien la série récente, donc qui se situe entre les saisons 9 et 10, donc qui s'appelle X-Files Season 10. Mais on aura également la série X-Files qui date de 1995, et ça va donc s'appeler ça sera donc une collection appelée X-Files Archive. Et pour le moment, on n'a pas de date de sortie, même si on a déjà des visuels du premier tome. Les fans qui rêvent de voir ça arriver en France, surtout la saison 10 depuis le temps, maintenant on est passé déjà à la 11, depuis le temps que ça a Ouais. démarré, il était temps que ça arrive quand même. Donc bonne idée pour les fans, je sais pas si vous en faites partie. Pas du tout, je regarde pas cette série. Moi non Bon, plus. voilà, c'est fait. Moi non plus, j'ai pas vu l'ancienne, je suis en train de la regarder donc je vais pas démarrer la saison 10 maintenant. Mais alors Urban n'a rien annoncé cette semaine. Par contre, Delcourt nous a sorti tout son programme de l'année. Alors, Panini, c'est jusqu'au mois de juin, Delcourt, c'est toute l'année. Et donc, au mois de février, on aura le droit à la. Comment? À Hellboy BPRD 1952 de John Arcudi et Mike Mignola. Pour les fans d'Hellboy, ce qui n'est pas mon cas. Mais... la série Porcelaine de Benjamin Reed. Et plus tard, ils vont sortir, plus tard dans le mois de février, ils vont sortir La Fabrique Comics 2016, qui est un recueil regroupant, comme chaque année, des ex-libris des séries du catalogue. Pour mars, le 25e numéro de The Walking Dead, on les arrête plus. Spawn revient dans Spawn Renaissance de Todd McFarlane et Paul Jenkins, avec le numéro 250, donc disponible le 2 mars pour 15,95€. Et le 16 mars, ce sera le one-shot Big Man Plans d'Eric Powell et Tim Wesch. Je pense que ça dit comme ça. Tim Wesch. W-E-S-C-H. Ah, on verra. Donc, c'est paru chez Image aux États-Unis. C'est l'histoire d'un crime, après un crime brutal et quelqu'un veut se venger. Et comme le synopsis dit, la vengeance est un plat qui ne se mange, qui se mange froid. Ça va prendre son temps. Le deuxième tome de Birthright en avril, une série qui fait beaucoup parler d'elle. Et Frankenstein Underground, au mois d'avril également, de Mike Mignola, qui verra s'affronter Hellboy. Encore du Hellboy, avec le 15e tome de la série. Et, chose étrange, puisque Marvel et donc Panini a récupéré la licence Star Wars, mais il y a un livre Star Wars qui sortira au mois de mai chez Delcourt, qui s'appelle simplement Le Réveil de la Force, sans information sur ce que c'est. Donc, est-ce que c'est la scénarisation en version comics du film, un livre sur le film, ce qui serait étonnant? Enfin, on ne sait pas. En tout cas, il y a un livre, Le Réveil de la Force, qui sort au mois de mai chez Delcourt, ce qui est très très étonnant. Ah. Au mois de juin, on aura Veil d'Image Comics, écrit par le grand Greg Rucka et Tony Fezzula. C'est une fille qui se réveille dans une station de métro abandonnée, ne sachant pas comment elle atterrit là. Et quand des hommes tentent de la agresser, elle se retrouve morte. Donc, d'où vient-elle? De quoi est-elle capable? Et c'est un univers sombre sur fond de thriller et d'horreur. Ambiance. Voilà. Ensuite, toujours chez Image, c'est Manifest Destiny, qui se déroule en 1804, qui mélange Far West et voyage à travers l'Amérique du Nord, par Chris Dean Jess, avec les artistes Matthew Roberts et Owen Jenny. Ah, pour le coup, je ne connais pas Manifest Destiny. Au mois de juillet, c'est le deuxième tome de Sidekick, de Straczynski. Et un Star Wars Incon sur Leia. Pour le mois d'août, c'est le graphic novel Murder Mysteries de Neil Gaiman qui sortira. Et le 11e tome de Tony Chu, le détective cannibale. Une série qui n'est définitivement pas pour moi. Le 6e tome de Snoopy, le 4e de Badass au mois de septembre. Et surtout, l'arrivée de Alex Pusada, de Sarah Vaughan et Jonathan Luna au mois de septembre chez Delcourt. S'il y a un truc à retenir là, c'est Alex Pusada. Vraiment, pour l'avoir terminé il n'y a pas longtemps, c'est une série magnifique. Et je sais que Mathieu en dira de même. Donc vraiment, on est deux à vous le conseiller. Lisez Alex Pusada en septembre chez Delcourt. C'est fini, on arrive au mois d'octobre. Il y a la série James Bond de Warren Ellis qui arrive chez Delcourt en octobre. Ensuite, Bad Blood de Jonathan Mabury et un nouveau tome de Outcast, ainsi que déjà le 26e tome de Walking Dead, alors que le 5e arrive durant l'été. Pour le mois de novembre, c'est le 2e tome de la version Prestige de Walking Dead et Savior de Todd McFarlane. Et pour terminer, pour le mois de décembre, ce sera Astronauts in Trouble de Larry Young et Charlie Adlar et Dead Body Road de Justin Jordan et Matteo Scalera. Bien sûr, tout ça, il y aura d'autres séries qui s'ajouteront au programme d'ici la fin de l'année, mais c'est déjà un énorme programme pour la suite. C'est ça. Et donc, on va sans plus tarder conclure avec l'actu ciné. Et ben, je fais une pause, mais c'est moi qui commence. Alors, bien sûr que d'ici, on enchaîne avec les films pour essayer de contrer Marvel. Mais ils n'oublient pas le marché de l'animation sur lequel ils se portent très bien. Avec déjà Batman Bad Blood qui arrive en janvier-février. Et ils vont sortir un autre film d'animation pour le 29 mars en version digitale et le 12 avril pour la version DVD Blu-ray. Et ça s'intitule Justice League versus Teen Titans. Ah oui. S'ils aiment les combats en cette année 2016, après Juste avant quand même Batman. vachement bizarre, hein, je sais pas. Juste avant Batman v Superman, J'aime beaucoup le ensuite concept, Justice quoi. League versus Teen Titans. Intéressant, Ah. effectivement. Les grands Contre Batman, des Superman, enfants. contre les ados, contre leur sidekick. Pourquoi C'est... pas? Ça paraît pas bizarre. J'étais ironique quand je disais que c'était intéressant. Bah pourquoi pas, Ouh. moi je dis. Ouais, Ça... ça me C'est quand même rend pas trop vachement mal. bizarre, quoi. À J'ai voir. l'impression qu'ils ne savaient pas trop quoi mettre en place et qu'ils se sont dit, tiens, on va mettre des Teen Titans qui sont complètement le vent À à Superman. voir, parce que les Teen Titans ont quand même pas mal d'aliens dans leur rang avec des pouvoirs. Bon, certes, ça te fait rien Superman, face à Batman. Superman, oui, mais face à la technologie, c'est sûr que ça ne fait rien. Mais à voir déjà pourquoi ils se battent. Mais surtout, s'il y a une chose à retenir, c'est le coffret de luxe qui a l'air quand même vachement bien. C'est un coffret de luxe avec pas mal de bonus, avec deux épisodes de Teen Titans, quelques featurettes genre Growing Up Titans qui expliquera l'importance des jeunes héros dans l'univers DC et deux autres qui parleront des Teen Titans Trigon et Raven. Et surtout, c'est comme ils vont sortir avec Batman Bad Blood, on aura une magnifique figurine de Nightwing, le coffret Blu-ray de version Deluxe de Justice League versus Teen Titans contiendra une magnifique, mais là pour le coup elle est encore plus belle que celle de Nightwing, de Robin. Vraiment, je vous conseille d'aller voir et si vous voulez prendre ce film d'animation, c'est la version Deluxe que je vous conseille, qui est pas beaucoup plus chère en plus. Je sais plus les prix, mais c'est quelque chose comme 5 euros en plus pour une figurine, avec le DVD et le Blu-ray avec. Donc voilà, pour le mois d'avril, Justice League versus Teen Titans. Et on conclut cette partie ciné par le film de 2017 du côté de DC, qui sera Wonder Woman. Et on a pris une info De la plus qui grande est importance. pas là, pas exactement, mais ça fait pas non plus très plaisir quand même. Bon, honnêtement, moi, j'étais complètement passé à côté, j'avais rien à faire. Donc, désolé pour ce que je vais décevoir, mais Linda Carter n'apparaîtra pas dans le film. Voilà. Voilà, La c'est Wonder Woman l'info, originelle donc. n'apparaîtra pas dans Wonder Woman. C'est rien de C'est capital, mais l'info. c'est un peu Voilà, c'est con. ça. C'est un peu con, quoi. Ouais, honnêtement, je m'en fous, mais. Ça aurait pu faire un clin d'œil Voilà. sympa, mais c'est vrai qu'on s'en fout. Bon, au pire, l'actrice fait un clin d'œil dans le film, puis voilà, ça fait un clin d'œil sympa. Oui. Hein. Et on conclut avec l'actu comics en VO, et c'est toi encore, Clément. Ouais, donc un nouvel event avait été annoncé, ou a été annoncé d'ailleurs. Donc, Dead No More, donc Marvel a dévoilé un deuxième teaser concernant ce terme. Et donc, on devrait voir le retour d'un personnage décédé. Et en fait, l'image nous révèle, j'allais dire plus ou moins, mais non, nous révèle que ce Dead No More sera en lien avec l'univers de Spider-Man. Donc, on aura sans doute la réincarnation, la résurrection d'un personnage de l'univers Spider-Man. Et donc, ce sera dévoilé dans le numéro spécial Marvel pour le Free Comic Book Day de 2016, donc le 7 mai prochain. Voilà, donc rendez-vous le 7 mai pour savoir qui revient. On a tellement hâte de savoir ça, je suis sûr, hein, Clément. Ouais, Ça passionne tout le monde. honnêtement, ça m'a touché sans faire bouger C'est ça. Et ça va être la belle phrase de conclusion, tiens. l'autre. Un truc salace pour conclure, comme toujours, avec Ça. Clément. Et donc, les prochains rendez-vous, ce sera jeudi pour Legends of Tomorrow, comme je disais au début. On fait le débrief des deux premiers épisodes, donc le pilote partie 1 et partie 2. Et ensuite dimanche, ce sera le Sur nos écrans 41 avec les trois premiers épisodes de la saison 2 d'Agent Carter. Sur ce, bonne semaine, bonne lecture et à bientôt. Au revoir. Salut. Salut.